Dilla. Épinesse ta connexion, yeah. Nice crew, ADL, ADL 93, Altes, Carocali, yeah. Stage G, c'est ici, gars. DJ Tox, à la prod, ça va faire mal, yeah. ADL. Attends, c'est quoi les bails, c'est quoi les dièses? Ça sent le talent, mana et pilet sur ses micros, j'en soum. C'est la devise de nos pros. J'ai fait chialer les BPM, demande à l'un. J'ai les rageux à ma droite, la famille qui m'épaule. Des lyrics plein les poches, la rue bouge façon Sean Paul. Le son est lourd comme les seufs de Maïsé. Les négros du fond de la classe font des sons de qualité. C'est Kiki Comics, c'est Orgemont qui remet ça. La rue le bise, les groupes équipent, les rageux bavent, mais les vrais savent. Hey, y'a rien de marrant à part ton puce du marron. L'hypocrisie fait mal comme une gifle de ton daron. Hey, la foule est bonne, 9-3-800, tu sais ce qu'on fait au fait. Ne touche pas les MC trop chaud, tu vas te cramer le skeg. MC Kali au mic, SRG à Tescaro. Check le refrain photo, car j'ai les couilles de faire le check. Flow intégral, tu m'en bats les couilles de ta musique de PD. J'viens t'aider, yeah, j'suis promis sur la dalle. Et ça t'étonne que j'sois entendu. Les gars sont défendus, les frères sont descendus. Et que ça ressente les centres sans le cul des voitures. Putain, ça sature, sexe et sexe et ceinture. Si longtemps que ça dure, donc si coca quitte ta teinture. Check, ferme ta gueule quand j'écris, ta voix me stresse. Tu cries, je crie, j'ai fait péter l'alcotest. Yes, dans le rap y'a trop de talent. Sur la trappe, les pieds devant, encore une star, encore billard, ya. Salope, tu glisses et vices sur ma voix. Tu glisses et lisses sur ma croix. 93, indépendant, ya. Y'a galop, j'ai le bitume comme d'habitude. Et c'est quoi, Renoir, la vie c'est une question de tu. Cyan G, Scaro, Kelly, Greg, tu sais quoi, c'est toxique comme une proche insolite, un DJ toxique. Trop crisant, j'viens niquer la France en un coup de détergent, c'est argent. Les lyrics choquants comme la mort à Marianne, hey. J'ai caché un sachet de bœuf et Marie-Jeanne, ho. La France est dans la merde, on en est les fautifs. Trop de cils, trop de chaud, trop de flow, trop de gros. Enlève ton soutif, on vient d'écrire la vie, vers version ghetto. Nique sa mère à l'école, demande à Jamel. On a de la cité, nique la PAC, près du black marché. C'est trop serré, trop OP, va niquer l'Elysée, on va t'électro. J'aime pas les gens comme toi. Dans ma cité tu fais le show, mais dans la chaîne tu cours. ATL c'est mon label, DJ Tox c'est mon fraternel. On a tué le beat, j'espère que t'es adepte. Ici ça pète, ça dégomme, ça balance des tonnes. Si les PD voulaient du lourd, je leur envoie des tonnes. Ça t'énervise, crochet t'es capissé. En plus de plaisir, yo qu'a dit que n'est que t'es pissé. Si la justice, t'es ni des milliers de militants. Qu'on militaire qui a fait la guerre pour un cause qui t'est visé. Tenez des policemen qui pas qu'à chercher en bouille. Mais tenez ça qui t'es qu'à venir chercher en merde. Yo qu'a dit que nous gêne, que nous qu'a fouté en merde. Yo qu'a dit que nous qu'a mettre pays là dans la merde.